Ensuite, jetons un coup d'œil sur l'agriculture. La France avait une agriculture de qualité et de terroir. Désormais, elle est soumise aux articles 33 et 39 qui imposent la productivité et le progrès technique. Eh bien, ça impose de regrouper les exploitations en exploitations gigantesques façon États-Unis, de plus en plus d'engrais, la réintroduction des farines animales et des OGM par l'Union européenne. Et lorsque la France a voulu s'y opposer, elle a payé près de 10 millions d'euros de pénalités. C'est aussi de plus en plus de normes sanitaires et administratives, mais aussi de moins en moins de protection avec l'article 32 qui favorise les échanges commerciaux, c'est-à-dire tout doit être fait à n'importe quel prix pour faire du commerce. C'est donc un choc frontal pour nos agriculteurs face à des pays à très bas coûts de salaire, une réelle guerre qui leur est menée. La France était 3 millions d'exploitations agricoles dans les années 60, aujourd'hui les agriculteurs sont moins de 400 000, deux agriculteurs se suicident tous les 3 jours, et l'Union européenne qui continue des accords de libre-échange comme celui entré en vigueur en janvier 2016 avec l'Ukraine, qui a un salaire minimum 35% moins cher qu'en Chine. Une guerre qui ne fait que commencer quand on sait que le TAFTA va nous être imposé. Le TAFTA, c'est un accord de libre-échange entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne où seuls les plus forts résisteront.